1, 2, 3, 4. Tu regardes le ciel en pleurs. Je ne vais pas mourir demain. Je regarde passer les heures. On se retrouvera sans chagrin. Et pourtant, tu me ressembles. Toi et moi, on est pareil. Et pourtant, quand on s'assemble, nous sommes toujours réveillés. Tu regardes la voûte céleste. Sûr qu'elle est plus belle que moi. Je regarde par la fenêtre. Je cherche ton regard. Ce regard que j'aime tant. Il est profond et mystérieux. Et souvent je plonge dedans. J'espère y être heureuse. Parce que je danse toujours un peu pour toi. Et même si tu ne m'invites pas à Val, si cette nuit attend toujours que tu me prennes la main, mais j'oublie parfois qu'on est censé n'être que tes amis. Tu me manques et ça m'énerve. Ça me fait péter des câbles. Je te cherche en alerte. Et je vois que t'es pas là. Alors je m'effondre. Personne pour me réveiller. Je suis comme la glace qui fond, qui coule dans l'évier. Je voudrais que je m'arrête d'être tout le temps sur ton dos. Souviens-toi quand tu tombais sur moi comme c'était beau. Tu plongeais au fond de moi. Je ne pouvais rien y faire. À rougir rien qu'à te voir. Je vais pas mieux faire. Parce que je danse toujours un peu pour toi. Et même si tu ne m'invites pas à Val, si cette nuit attend toujours que tu me prennes la main, mais j'oublie fois qu'on est censé n'être que des amis.